le mont Garazim, c'est pour le paradis. Le mont Terbal, c'est pour les enfers. Mais le problème, c'est que les personnes ne voulaient pas recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup vont se jeter dans le lac. Tu sais pourquoi? Qui s'appelle du feu? C'est parce que beaucoup, dans le alerte du salvation, ils ont expliqué que beaucoup ne veulent pas avoir la foi dans le Jésus. Ne veulent pas croire dans le Seigneur Jésus. Ils étaient prêts à brûler le diable. Ils étaient prêts à aller voir cette mauvaise magie qui venait du mal. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont cru dans le mal. Alors Dieu leur a fait croire qu'il y aura le mal pour cela. Tu comprends? Si la personne n'est pas prête... Hey, Martino, ça va? Tu viens de quelle planète? Là, je suis très loin. Agostino, ah ouais. Ça va? Tu vas nous parler de tes voyages. Tu as maigri un peu, non? Très loin. Tu viens de où? Bah, de plusieurs planètes. Ah ouais, ouais, il faut que tu me parles de ça. Hein. Hier soir, c'était le bordel à New York. Hier soir? Ouais. Ouais. Tu vas parler de ça, alors? Ouais. Et on va, qu'est-ce qu'on va parler, Joachim Agostino? Joachim Agostino? Ça te va bien, ça, Joachim Agostino. Qu'est-ce qu'on va parler? Encore, on va parler que si la personne, elle est prête à dissocier sa foi, à mettre en valeur sa propre foi, son propre intelligence en valeur, bah, Dieu décide d'enrichir cette personne si la personne, elle est prête à usufruire le droit. Si elle est prête à usufruire. Hein. Ouais. Ouais, tu comprends? Si elle est prête à donner du sens dans tout ça. Oui, par exemple, Pinaltino, avant, il faisait la chronique pour système solaire. Ah, elle a fait la chronique du système solaire, et c'est ça. Il va plus loin, il va à la galaxie. C'est ça. La galaxie, c'est terminé. Nous, c'est l'univers. L'univers, carrément. L'univers, ouais. Ah oui, tu vas me parler de ça. Hein. C'est important, ça. C'est très important. Pour il faut savoir. Est-ce qu'on peut chanter une chanson, là? Oui, vas-y. Mettez une chanson. Non, je vais écouter. Je vais écouter le R. Kelly. Il est 15h50 sur Radio Métanoïaque. Radio Métanoïaque. Et on est en train de discuter avec Bastien sur plein de choses, sur le point de convergence, sur la thérapie métanoïaque, sur le désir, sur le au-delà du bien et du mal, sur le chemin de foi, sur plein de trucs. Quelle autre chose on parle aujourd'hui? On parle aujourd'hui que si la personne elle est prête à porter sa croix, à porter la sa croix dont elle a été crucifiée pour ça, bah Dieu est prêt à porter sa croix avec elle. Oui. Parce que déjà, un couple de pasteurs quand ils se marient. Il faut que tu te mettes ton micro plus. Tu vas regarder comme ça. Tu peux l'adresser un peu le micro comme ça, il va être plus simple. Oui, Ivana. La maman de Mélina, ça va? C'est l'argent de Mélina, c'est moi. Tu vas bien? Ça va, toi? C'est notre master, c'est notre accueillant. C'est... Ça va, Ivana? Ça fait longtemps. C'est bien. Comment ça va la vie? Je commence à travailler demain. Ah, cool. Demain. Où ça? Dans une boulangerie. Ici, à Bondy? À Saint-Maur. À Saint-Maur? Ah, c'est chic. À côté du bois de Vincennes? Mais tu peux faire des promenades au bois de Vincennes? Mais oui, quand tu veux, on vient te faire un reportage. Ouais. Sans faute. Ouais, non, mais on met un micro ambiant comme ça, on entend les voix des gens qui achètent le pain. Ouais. C'est cool. Ouais. Et ta fille, ça va? Ah oui. Et qu'est-ce que tu veux dire dans tout ça, ma grande? Tiens, prends le micro. Moi, je parle pas. Tu parles pas. Bah, si, tu parles. Parce que Martin m'étend tout le temps le micro. Ah, parce que Martin t'étend le micro, il veut ton bien. Hein. Ouais, il veut mon bien, il veut pas que je parle trop. Non, mais tu parles parce que. Ah ouais, j'ai pas envie de dire des bêtises là. Mais tu dis jamais de bêtises, tu dis bonne chose, tu racontes tes rêves, tu vis plein de trucs. Mais ouais, c'est bien ça. C'est un plaisir d'entendre ça. Et qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui à part ça? Qu'est-ce qu'on va se fixer comme objectif? Qui? Oui, ils sont tous là en réunion là, ils vont tous venir. Moi j'étais là en réunion là, mais je suis venu pour la radio, mais on est en train de parler justement. Et ils vont venir à la radio tous, hein. Héros aussi, ouais, tout le monde. Il est bientôt là, c'est bientôt la retraite de Régis. Hein, ça. Mais on va lui faire une petite fête, non, à la radio. On va lui faire le dernier mercredi, on va lui faire une petite fête. Bah oui, ça serait bien. Hein. Bon. Mais si, tu viens alors. Attends, Bastien, tu veux chanter quoi? Je vais chanter. Parsi Calogero. C'est quoi ça? Parsi Calogero. Ah oui, bah, désolé, je suis ignorant de ça. Mais... Attends, effet. Calogero. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Mets la musique, mets la musique, mets la musique, mets la musique. Accompagne avec la musique, accompagne avec la musique, accompagne avec la musique, accompagne avec la musique, accompagne avec la musique, accompagne avec la musique. C'est le rôle, j'ai le rôle, j'ai le rôle, j'ai le rôle. C'est Pascal Giroud, c'est Pascal Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Giroud, Et ça s'appelle la nouée, ça s'appelle la nouée, ça s'appelle la nouée, négatif. Bon, Bastien va nous chanter une chanson pour commencer, pour chauffer l'ambiance. Et on va mettre un peu de musique. Face à la mer, je veux te grandir. Plus fort. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin, mais ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro, ou la tape à pas à côté. L'état, les rémises, les tacas à fait. Si t'en bats, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'encaisser des patates. Et ta gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauche, droite, avec un air particulier. Dans la mer, je veux du grandir, face contre terre. Je veux du grandir, je me relève, je me relève. Allez, tout au-dessus, je prends l'endernier. Dans la mer, c'est toi qui résiste, toi qui résiste. Face contre terre, ton nom est la liste. C'est l'histoire de cette main qui s'étouffe dans le bourreau. Cette matière qui est notre pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui ont qui rêvent de ses actions. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes. Ciel étoilé sous mes épaules. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Canot passif de 004 action. Face contre terre, ouais. Je veux du grandir. Face contre la terre, je veux du grandir. Je me relève, je me relève. Dalle au nez de l'essuie, je prends mon dernier rêve. La même dalle en vise tout de haut dessus. Je prends mon dernier rêve. couleur de peau. Comme on rêve d'une vie, chaque jour on vit bien fou. Lève les taux, comme cause de tout jour. Et ton prix, j'en conflit et prie très haut. LGO, LGO, MJCRO. J'ai quoi les mots. Face à la mer, on veut tous grandir. Calot, pas si, trop jeune pour mourir. Sinon, on peut écouter une musique de Kyo là. On peut mettre Kyo. Qu'est-ce que t'as décidé là, de... Non, on va rester voir. Moi, je viens d'acheter des pédales, super. Ah, t'as acheté des VA? Des pédales pour faire des effets sur la voix. Oui. Ouais. Attends, on stream. Peut-être tu peux entendre... Si tu peux écouter si ça marche bien, s'il te plaît, t'es ça. Tu veux quoi comme musique? On va du Kyo. K-Y-O. K-Y-O. C'est une dernière danse. K-Y-O. Dernière danse, normalement. Kyo. La plus connue. Tu connais, hein, Zéa, mais tu l'as une génération. Oui, tu veux le quoi? Je cours, mmh. Le chemin, dernière danse. Ouais, dernière danse, elle est... Je pense qu'il l'a connu. Dernière danse. Ouais. Et sans foi, sans visage, ah, trouvé de l'or de mer. Quelques étoiles, je suis en silence. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Je les désire encore une fois. Parle-moi, je donne juste une dernière chance. Donne-le la différence. Donne-lui la silence. Je veux juste une dernière chance. Je le veux donner des fontaines, faire des amours, je le mets dans mon âme, je le mets. Lochita. C'est quoi ça? Delicita. C'est là où tu étais? C'est magnifique, tu prends une photo quand tu voyages? C'est ça, c'est la classe. Lui fait des voyages astrales. Ah, tu fais des voyages là? Bon, va te mettre de ça va. Pas le même que l'autre fois, d'autres. Ouais, ça fait que filtre là-haut. Bastien qui va nous chanter pour le Metanoia de la planète, de la galaxie, système solaire. Félicita, parce qu'on a besoin de la félicita, la félicité, pour passer de problème au poème. On est là, radiothérapie métanoïaque. Radiothérapie, voilà. Tu as tout compris, Bastien. Il a tout compris, Bastien. Il est connecté, lui. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità. Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quando mi piaci, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa. Qu'est-ce qu'on va mettre comme musique encore? On va faire le programme, qu'est-ce que vous... Ça fait part de la jeunesse aussi. Hein. Ça fait part de la jeunesse tout ça. Jeunesse, il est où la jeunesse? Vive la jeunesse! La jeunesse! Ah, mettons la chanson de Charles Aznavour. La jeunesse. La bohème et au cœur. La bohème okay, et la bohème qui vient vas-y. De nous. Continue s'il te plaît. Mettez la musique de la bohème. Oui, mais va, on peut parler quand même pendant que. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi les points de convergence que tu parlais tout à l'heure? Le point de convergence, c'est en fait quand on a un point de circonscription dans la vie, c'est qu'on s'est décidé dans la vie. Hein. Oui. On s'est décidé à faire ça, ça et ça. C'est parce que la personne, elle s'est fixé des objectifs. Hein. Ouais. D'accord. Et ça, c'est ça. Si tu trouves ton point de convergence, tu es guéri. Guéri, voilà. Ouais. Ça, la métanoïa. Le... C'est la métanoïa qui l'affirme aussi. C'est le centre neuralgique de la. Le centre neuralgique de la pensée. Ouais, de la métanoïa, voilà. Bon, écoute, on va parler de ça tout à l'heure parce qu'on va être en direct à 16h30. Et on va voir si ça peut se faire. Attends, qu'est-ce que tu voulais écouter un truc? La bohème. Ah, la bohème, voilà. La bohème. La bohème. La jeunesse, on va aller chanter. Mais après tu faut que tu aides à faire le programme avec Tessa parce que tout seul on n'arrive pas. Attends, on va faire ça. Et après Vincent Black ouais. va nous dire de quoi il veut parler aujourd'hui sur Radio Métanoïac. Il est 16h10. On n'est pas nombreux encore aujourd'hui, mais ça va venir. Il y a la maman de Mélisa qui va. Chanter. La maman de Mélisa qui va chanter. Mélina, pardon, qui va nous raconter ses rêves. Parce que c'est là. Et quel était ton rêve? Des fois, elle a des rêves incroyables. Mais aujourd'hui, ça va venir l'inspiration, je la connais, ça va monter tout seul. On est là. Voilà, Ignaltinio nous va parler de ses dernières photos qu'il a prises dans l'univers, là. Il vient de montrer une photo qu'il a prise de l'eau de la mission Juno au Jupiter. Sol, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Pour micro. Ah, vous avez fait une musique. J'ai c'est fait quoi la musique que t'as fait à... Oui, j'ai fait. Quoi? C'est quoi la musique que t'as fait? Elle s'appelle The Devil Dance. Le Devil Dance? Yes. C'est ça. C'est ça. Devil Dance, super. Et toi, Vincent, tu sais pas encore? Oui. Vas-y. Non, mais toi, tu t'attends toujours au micro. Le Devil Dance, t'as dit? Et pour Thierry, qu'est-ce que tu penses du Devil Dance? C'est possible. Ouais. Elle est bien. Tu la connais? Vincent, attends, prends le micro pour entendre ta voix et régler le niveau. Vas-y, vas-y. C'est bon là? Si j'ai monté parce que je l'avais éteint. Vas-y, vas-y maintenant. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter de chanter. Non. Pourquoi tu veux arrêter de chanter? N'importe quoi. Je vais arrêter. Non, on ne te laisse pas. Non, on ne va pas te laisser. Non. Refusez. Refuser, là. Pourquoi tu vas t'arrêter de chanter? Tu en as marre? Non, j'aime bien, mais je pense qu'il faut que j'arrête là, maintenant, quoi. Une petite pause, ouais. Une petite pause, ouais, pause. Tu vas faire quoi à la place? Travailler, hein. Faire un travail. Mais tu faire peux un travail. Tu peux faire les deux, hein. Formation. Non, travail. Mais tu peux faire les deux. Tu peux travailler, faire de la voix, tu peux faire les deux. Ouais. Tiens, regarde, nous, on fait du travail, on fait des trucs. Ignaltinio, il voyage. Ah, Agostino voyage. Et comment va le Agostino aussi? Il va bien. Avec ta constellation, tu vas bien. Ouais. Terre. Aujourd'hui, il est dans la Terre, un petit peu. Et comment va Tesla aussi? Tesla. Ça te va bien, Tesla. Tesla. Tesla. Le monde de la radio, voilà. Voilà. Il manque. Attends, on a combien de micros là? Pondichéry, qu'est-ce que tu penses? Pondichéry. On Pondichéry. On chante une nouvelle chanson. Vas-y. J'ai un d'avoue. Ok. Et après, oh là. Ah, faut que tu me préviens quand tu fais ça parce que c'est pour ça que j'ai. Attends, je vais laisser les micros le temps que tu le règles. Voilà. Et on va faire un petit la bohème et après. Et après, on va mettre autre chanson et puis on va commencer à parler dans 15 minutes. Il y a personne aujourd'hui. Non, mais il faut aller chercher les gens. Tu peux ouvrir la porte déjà? C'est ouverte. Je vous parle d'un temps, parle de la tonnerre, mais je ne le suis plus. accrochés des lilas. Village des villages. Si l'humble garni. Regardez. Ne payez pas de mine. C'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famine. Et toi qui poses nu. La bohème. Quelques-uns qui attendent la gloire et bien que miséreux avec quand quelques bistrots pour avoir au bas chaud prenaient une toile on récitait les rêves groupés autour du poêle oubliant l'hiver la bohème la bohème. Tu es joli. Tu... La bohème. La bohème. Et nous allons dire le temps. De fort de chanter. De passer les nuits blanches. Retouchant le nez. De la lumière, du galbe d'une orangerie. Ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin. Le matin, café crème, épuisé. Mais la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire je suis content. La bohème, la bohème, et nous souvenons de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus le nom, ni les murs, ni les rues de ma jeunesse, ni les escaliers. Je cherche l'atelier, où plus rien ne subsiste. Dans ce nouveau décor, mon marbre semble triste, et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, ça voulait dire que je suis bon temps. Voilà. Tu connais ça, regarde. Attends, regarde, Bastien. Ouais. Une autre. Ouais. Xina, faire des. Une autre, une autre. Joe, Joe Dassin, tu connais? Joe Dassin, oui. Attends, tu connais ça? Ça va être un truc. Attends, il faut. Il y a le s'annonce. On annonce. Est-ce qu'on a des annonces aujourd'hui à faire? Alors que ce que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être moi, à tes montagnes artificielles, quelquefois, à toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes chants. À la vie, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour sans toi, esprit de sans regret. Et si tu ne n'existais pas, la sereine de l'amour, le jade qui vole sous ses doigts, moi, n'est-ce que du jour. N'aurai ne reviens pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras, que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais que plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu, j'aurais besoin de toi. Et si je n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire d'être là, mais je ne serais pas vrai. Et si je n'existais pas, je crois que j'en existerais. Le soleil, la ville pour toi, c'est demain le temps créé. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, je serai l'enterre d'amour. Ouais! Ouais! Le métanoïaque! On est le métanoïaque en force aujourd'hui. Quel est le programme là, Tessa? On va parler? Oui, oui, je vais mettre ta chanson pour l'instant, mais tu vas nous parler des chroniques de Universal, c'est ça? Non, oui, non, mais après, tu vas nous parler un peu système solaire. Après. Ouais, parce que si, sans toi, on ne connaît rien. Hein. C'est toi. C'est... Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite, arrête. On n'a pas encore quoi. Quelle réunion tu as? Quelle réunion tu as? Bah attends, c'est toi l'âme de la radio, je tu vas partir. De la radio, ouais. Tu vas partir comme ça. Mais là, j'ai un autre rendez-vous. Où ça? À Fédère, vous êtes à Fédère. Oui, mais tu peux leur dire d'attendre un peu. Ah non. Oui. Au revoir. Bon, tu nous appelles? Je vous appellerai. Il est drôle. Mais attends, attends, tu veux mettre quoi? Parce qu'on est à 7 minutes de la de direct là. Comment ça s'appelle? C'est quoi votre prénom, monsieur? Mohamed. Oui, vous prenez un micro là, on peut parler au micro là. Attendez, allez-y. Ouais, vous attendez? Oui, vous attendez, attends, attends. Oui, allez-y, je vous entends. Ouais, moi c'est Kramti Mohamed. Allez-y, Mohamed, on vous écoute. Kramti Mohamed, toujours sur le palier. Super. De quoi vous voulez parler aujourd'hui à la radio? Est-ce que vous avez un sujet que vous voulez aborder? Alors, quel sujet vous voulez que j'aborde? On est libre, on peut parler de tout ce qu'on veut. On a 5 minutes chacun pour parler de ce qu'on veut, sans censure. Et on peut raconter des rêves, on peut parler de la radio, de la musique. Est-ce qu'on peut s'en sortir dans la vie? On peut parler, on peut s'en sortir dans la vie. Ouais. Ouais. Par exemple, c'est un bon sujet. Une fleur de vie dans le sentiment de la vie. Une fleur. Flower. Fleur, cueillir une fleur dans la vie. Flower en américain, en anglais. Flower. Inaltinio, il parle américain lui aussi. Ah ouais. On parle de quoi dans les systèmes solaires? Quelle langue, Inaltinio? L'américain. On parle pas russe? On parle français, French. French, mais c'est le français, c'est la langue évoluée d'un mélange d'anglais et d'ancien français. Ah, c'est ça la langue universelle. Ouais. Donc c'est une langue internationale, c'est ça? Ouais, non, parce qu'Inaltinio fait des tours dans les systèmes solaires. La langue internationale, c'est l'anglais, mais partout où on va, tout le monde parle français. Oui. Comme l'île Maurice, comme à Mayotte, comme... À Mayotte, en Guyane. Créole. Non, mais tu sais, la langue française, c'est un peu la langue aussi diplomatique, des fois. Tu parles des réunions, les gens parlent français, des fois. Des fois. Quoique, je sais pas si tout le monde le fait, c'était à l'époque. Mais on est dans 8 minutes, on est dans l'air. Donc on va parler de ça. Vincent, tu sais pas encore de quoi tu vas parler? Non, je sais pas. Tu vas nous montrer un peu ta musique? J'ai ton... Comment ça s'appelle? J'ai ton YouTube, là. J'ai tes chansons. On finira pas au... Tu as un autre micro, là? Il y a un autre, là. Regarde celui-là. Tiens, voilà. Attends, parle un peu. Attends, c'est 5? Ouais, voilà, son. Vincent Black, tu veux qu'on présente une de tes chansons? Ouais. J'aurais pas les prix Nobel, par exemple. Ouais, t'es bien? On va la goûter tout à l'heure, là, pour commencer l'émission, on va mettre ça. Attends, enregistré? Tu m'as montré, c'est dans ton YouTube. Attends, par contre, il faut que tu m'aides à voir après les chats de Prinote, parce qu'on n'est pas... Faut faire, oui, attention, il faut que tu les mettes vers toi. C'est tous... Enfin, tous les micros, il ne faut pas les laisser sur la table, parce que sinon ça... Attends, mais tu voulais... Inaltinio, tu voulais écouter un truc d'abord? Ouais. Voilà, donc on a ça, on est à 4 minutes du direct. Tu voulais écouter quoi? Ça. Numb. C'est ça? C'est Mix Numb. Oh, oui, c'est là. Attends, bon, on va écouter ça tout à l'heure. Et après, tu vas nous parler système solaire. Je vais présenter la chanson et après, tu vas nous parler de tes chroniques de voyage. Voilà. Xiol, tu vas parler de quoi? Tu vas montrer ta musique. Oui. C'est où ta musique? Et c'est quoi déjà? C'est pas des mailles neige? Non, c'était génial ton des mailles neige, j'adorais. Mais elle est super. Comment il s'appelle alors? C'est SoundCloud, lequel? C'est 4T Smoke. Ah, 4 de Smoke. Bon, on commence à connaître un peu le... Alors moi, c'est KR. Attends, d'abord, c'était 4... T Smoke. 4T Smoke. Et... Ah, ça marche pas là. 4 et Smoke. On n'est pas allé chercher le jeu en bas, ça le truc. Oui, tu as été. Moi je peux pas y aller, je vais pas tout faire, je vais pas être là, diriger la radio, aller chercher les gens. Et puis après, j'ai ramené les gens, ils me disent non, mais ils ne pouvaient pas monter. Bon. Quelle chanson? Unisex? Non, Devil Dance. Ah oui, ça. Ah, comment tu l'écris à l'envers là? Comment tu fais? Ouais. Tu n'as pas trouvé les trucs isotopes pour Mac? Non, je n'ai pas trouvé. Ah, rien. Et si je peux passer le site? Ouais, tu me le passes. Ouais, tu me l'as donné, je crois, une fois, mais je ne l'ai pas. Oui, je l'ai peut-être. Je l'ai même... Si tu peux. Je dis juste. Qui veut monter à la radio, voilà, bienvenue. Si et... un SDT, un SDR, je prends. Oui, voilà. Tu connais mieux que moi ça, d'ailleurs, parce que moi, je me trompe souvent. Merci beaucoup, Isabelle. C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà, on commence dans 2 minutes, on est dans l'air. Et voilà, et puis tout le monde collabore. C'est la photo que j'ai mise là, tu vois, j'ai mis ça sur SoundCloud, en fait, c'est cette photo-là qui m'a fait checker, tu as goûté ça. Cette photo-là, on la voit même pas réellement. T'as goûté quoi? Non, mais tu vois la photo qu'elle a là. Ouais. C'est moi et mon ex. Oui. Est-ce qu'on me voit réellement? On non. Voilà, bah voilà. Et ton ex, il l'a pas aimé? Ah, bah écoutez, un son cette musique, je te jure. C'est elle qui l'a pas aimé? C'est elle qui a pas aimé, c'est tout. Mais pourquoi? Je trouve ça trop stylé, vraiment. Mais oui, c'est bien. Mais il n'a rien compris, hein. Laisse tomber. Tu comprends rien, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Prends le micro par contre si tu veux parler là, parce que sinon on ne comprend rien. Vas-y. Oui, tout à fait. Voilà, on va parler aussi des histoires des ex qui ne comprennent rien. Oups, je sais pas si c'est moi, mais désolé. Oui, voilà, on va faire un comme ça. Voilà, on est dans 8 minutes, on est dans l'air, mais je ne m'arrive pas à me connecter, mais c'est pas grave. Ok, dans 8 minutes, qui présente à la radio? Tu présentes, Siol? Oula. Et bonjour, madame Meg, on met ta musique aussi. Vincent, aide-moi. Tu peux, Vincent aussi? C'est une radio pour le privé, pour les gens. Dans 10 minutes, on va présenter. Hein. Et okay. Bienvenue sur la radio Metanoia. Voilà. Metanoia, c'est dans le monde entier en fait. On nous écoute dans le monde entier. Avec Meg et Vincent. On est là. Présenté tous les matins à 9h. Merci, merci. Non, il faut pas. Ça sert à rien. C'est trop. Arrêtez. Stop. Ça me gêne. Ok, bon, merci. Oui. Et bienvenue tout le monde sur la radio Metanoia. Aujourd'hui, on est avec Vincent. Et oui, Vincent, tu es là, Vincent, non? Vincent. Ah, et tu es bien là, c'est là. Donc voilà, donc on a aussi un nouvel invité, Mohamed. Ouais, Mohamed Ivana qui est là-bas. Alors moi, RPZ, c'est tu connais Mohamed. Tessa, bien sûr, on ne la présente plus. Tessa est toujours là. Bah, c'est Tessa, vous connaissez Tessa, oui. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Tessa. Ah, dommage, j'ai pas d'applaudissements pour Tessa. Bonjour. Voilà, merci beaucoup, le public. Quel public. Magnifique, merci. Et bien sûr, Martin, le héros de cette radio. Simple opérateur, Metanoïac. Bon, on y va. Qu'est-ce que tu voulais? Attends, attention avec le micro, ne les pose pas comme ça, parce que voilà. Mais présente ta. On va commencer tout de suite. As-tu voulu parler avant? Attends, j'ai oublié ton prénom déjà. Une musique fantasy. Tu voulais parler de quelque chose là tout à l'heure, de la fleur, de flower. Vas-y. Alors, une fois, elle était une fleur, parler de l'arroser, et elle a poussé, et elle a pris plein. Ah. Mais tu voulais parler tout à l'heure de. Un peu poétique. Ouais, la poésie, quoi. Voilà. C'est quoi la poésie dans la vie pour toi? La poésie, ça remonte de l'humour, le manque d'humour, ouais. Pour les choses qui sont vraies, que personne ne peut le croire. Ouais. L'humour, ça fait partie de la vie. Ouais. Si on n'a pas d'humour, chacun se met la stress sans se connaître, et puis ça finira en donjon. Un donjon. Un donjon dragon. Un donjon dragon. Et l'humour avec... Ouais, Christiana, ouais! Tout le monde arrive. Merci pour ces paroles. Tu peux continuer à parler après. Hein. C'est juste que je disais bonjour aux gens. Hein. Salut Christiana, ça va? Bienvenue. Ouais, Jason, si notre tu n'existais pas, c'est ça. Voilà, ici, on va. Ouais, les chansons incroyables. On a un poète, on a recruté un poète à la radio. Hein. Ça se sent là. New York City, tu fais la poésie? Vous l'avez trouvé? C'est toi le poète. En poésie, il était une fois dans la fable du jardin. Déjà, tu peux parle. Nous dire un poème comme ça, improviser un poème? Ah, je m'en souviens. Il était une fois une fille qui s'appelle Pete, tournée dans les forêts. Vas-y. Elle a trouvé une grotte, il a réussi à trouver de l'or, il est retourné, il pleuvait, et il avait un sac rempli. Oh, ça va? Il est retourné chez lui. Sa femme était contente. Ouais. Et ça nourrit la famille et puis ça aide la famille. Mais c'est toi qui l'as créé ce poème, c'est superbe. Ouais, attends. Mais c'est génial ce poème. Comment tu appelles ce poème alors? Oh. Attends, asseyez-vous là, les nouveaux arrivants, asseyez-vous sans perturber le système. Là, allez-y. Comment tu as écrit ce poème? Alors, ce poème, c'était depuis que. On a trouvé de l'or dans un grenier. On a dit que ça nous appartenait. Mais en fait, le grenier était habité déjà. Ah oui. On a trouvé un grand flacon d'or. De l'or? De l'or. Où ça? À Bondy? Non. Non, c'était au-dessus de Madagascar. Quel endroit à Madagascar? La plus grande montagne. La plus grande montagne. T'as un micro pour Régis là. Attends. Bah ouais, parce qu'on a cherché des trésors là-bas à Madagascar. C'était où? Ouais, c'était micro. C'était dans les montagnes, c'était vers Nosy Be, c'était vers Tuléar. Pas pratiquement, c'était dans les montagnes, dans les falaises non connues. C'était de la, et du peuple. J'étais trouvé à la vie de personne. Et puis la personne qui a trouvé, il a resté à la personne. Vers Fianarantsoa, là, dans de la montagne, un peu ouais, dans les. Ça, c'est ouais. Là où il y a des gens qui sont enterrés dans des grottes à hauteur, c'est ça ouais, aussi enterré aussi. Et là, il y a des trésors, là ouais, ils étaient enterrés, et puis après, ils ont retrouvé sur eux des bagues. Enfin, ah oui, d'accord, donc ils venaient piller les tombes. Voilà, voilà c'est ça. Micro, micro. Ouais, c'est à peu près ça. Poser le micro comme ça, il faut le tenir, on l'a posé comme ça. Christiana, ouais. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Bonjour tout le monde. Salut Jason. Ça va, je suis de retour. Voilà le retour Jason. Il est revenu Jason. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Ça fait longtemps que c'est pas vu tous les deux. J'étais en mise en repos. Ah d'accord, je comprends. Mais tu nous manques aussi Iris, hein. Faut que tu reviennes. Hein. Ouais, je suis passé ce matin. Ah d'accord. J'ai participé. Ah super, ça fait plaisir. Salut. C'est cool. Merci. Ah quel plaisir. Et comment ça va, Christiana? Et toi, ça va? Ça va, merci beaucoup. Ça s'est bien passé ton ça va, Loïc? Bon, quoi? Ton truc d'hier. Tu t'éteins les cheveux? Non, c'est faux. Non, tu t'éteins les cheveux en... Ah non, j'ai pas qui te dit que je t'avais... Non, c'est faux. C'est quoi les cheveux violets? Non, mais c'est... Tu t'es... Mes cheveux sont noirs. Non, ils sont violets, je te dis. Non, arrête. Oui, j'éteins mes cheveux, oui. J'éteins mes cheveux. Tu les as fait quand? Cette couleur, je l'ai faite... Je sais plus, je crois que c'était il y a 3 semaines, 2 semaines, je sais plus, en train de ça. Ah ouais. J'ai dit la vérité, t'as les cheveux roses aussi, aussi que Griezmann. Mais non, arrêtez de me dire, non, c'est faux, j'ai pas fait... Tu veux faire comme Griezmann, les cheveux teints en rose. Non, j'ai pas fait vous le faire comme lui, de base c'est du violet. Mais voilà, c'est la vie. C'est du violet. La teinture elle part. Bien fait, elle est bien faite. Merci beaucoup, c'est gentil. Je le dirais. C'est quoi ta couleur préférée alors du coup? Ma couleur préférée pour l'instant c'est le violet. Après on va tester d'autres couleurs, on va tester le rouge. On mettra ça entre guillemets. Le bleu ouais, peut-être. Hein. Mais déjà le rouge avant. Ouais, c'est tout. Hein. J'ai fait le gris. Le gris c'est super aussi. Mais c'est mieux, je préfère même le gris que le violet. Mais bon, je dois garder ma couleur pour le quelques instants. Le rouge pour mon manteau. Voilà un rouge même encore plus foncé. Un rouge sang. Tu vois, bien rouge. Comme de la viande saignante. Qu'on aime la viande saignante. T'es un vrai comique, toi, ça se voit. C'est faux. Je sais pas ce qui me prend actuellement. C'est pas moi. C'est pas mon habitude de faire ça dans le monde, mais moi, je sais pas ce qui se passe là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mon SIAP. J'ai raté. Nom de Dieu. Ça se voit, quoi. C'est un coup de gueule contre les réveils. Non, en vrai, c'est de ma faute. Mais j'aurais dû me réveiller, mais tant pis. J'ai raté mon SIAP. Mohamed, tu viens parler à la radio? Allez, Mohamed, viens nous dire bonjour. Viens demander à la radio, peut-être là tu vas trouver. Prends le micro, demande. On recherche 5 euros, s'il vous plaît. Mohamed, prends le micro, tu demandes un micro là. Micro. Avez-vous 5 euros, s'il vous plaît? Le micro là. 5 euros, on demande aux auditeurs. T'as 5 euros, Mohamed? Pour 5 euros. Vas-y, demande à tout le monde. T'as 5 euros, passe-t'en 5 euros. Dis-le. 5 euros. 5 euros, il demande 5 euros. 5 simplement 5 euros, s'il vous plaît. Quelqu'un fait un don. Ça, c'est va mieux parce qu'il demande des fois 20 centimes. On demande, quand ça va mieux, c'est 5 euros. On recherche des gens là qui ont 5 euros, s'il vous plaît. Mais oui, c'est Mohamed, c'est notre chroniqueur étoile. Mohamed, tu parcours toute la ville, toute la journée. Hein, parce qu'on le trouve le matin là, au CMP. Salut, Gélaï. Voilà, et puis Mohamed, c'est notre chroniqueur étoile. Mais Seul, est-ce que tu peux nous présenter un peu la musique que tu nous as amené aujourd'hui avant? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, vas-y. Devil Dance, écoutez, c'est une musique d'ambiance. Il y a un peu de percussion quand même assez. Et je l'ai faite parce que je voulais faire quelque chose de différent de base, parce que je voulais changer un peu ce que je faisais de base sur SoundCloud. C'est ma deuxième musique qui est publiée dessus, mais bon, ça, c'est un détail. Mais du coup, la musique en soi, elle est très sombre. Mais elle est aussi très vivante en soi. Voilà. Mais elle n'est pas si sombre que ça. Mais tu racontes une anecdote, tu veux qu'on écoute d'abord la radio et après tu comptes l'anecdote ou tout de suite L'anecdote ? L'anecdote que ça t'a goûté, hein, je ne sais pas quoi. Tu as mis une photo. Ah oui, bien sûr. Ah bah écoutez, c'est simple. La musique, je l'avais publiée. Enfin, ce n'est pas cette musique-là, c'est une autre musique. Hein. C'est une autre musique que j'ai publiée. Elle s'appelle Fake Love. Et du coup, l'anecdote, c'est très simple. Hein. Mon ex, du coup, a vu la photo avec l'intermédiaire d'une amie à elle. Et du coup, bon, bah, voilà, ça crée des conflits. Et alors que sur la photo, en fait, on ne nous voit même pas. Voilà, c'est triste, mais c'est la vie. On n'a rien compris, mais... Attention avec le micro, on ne voit pas. Désolé. Il parlait de son ex, t'as pas compris? Oui, en fait, voilà. Alors, non, je parle pas de mon ex. Alors, reparler des ex, ça, c'est pas un problème. Le micro. Ah, vas-y, vas-y. Moi, censure. Non, mais... La censure est grave, c'est chaud. Ah oui. Martin, comment oses-tu me censurer? Il n'y a pas de censure, là. Il n'y a pas de censure. Hein. Attends, non, je rigole, ça se voit. C'est aucune censure, c'est juste qu'on parlait des, non, voilà, c'est juste que, voilà, des ex qui n'ont rien compris, oui, voilà. C'est tout. Hein. C'est tout. Mais... C'est comme ça, ça arrive. Hein. C'est triste parce que ça. ambiance, n'ayez pas peur, ça fait pas peur, c'est juste de la musique. Voilà. Et aidez la percussion. Merci. Bonne nuit. Alors, ils ont bien réveillé quand même. Là, je les ai réveillés d'un coup. Bonne nuit. Désolé. Ouais, on va dormir, il est 21h. Alors, je vais parler de quelque chose de très important. Le monsieur parlait de ses ex, mais moi, je ne vais pas parler des ex. En fait, je vais parler d'amour. Pas des ex, mais de la relation amoureuse. Qui a déjà eu une copine ici? Non, t'es marié, arrête. Ouais, je veux pas parler. Je vais dire pire que celle, sinon. Oh non, non, ça va bien. Après, j'ai pas. Si tu veux. Qui a déjà eu une copine? Oh, c'était joli. Bah, du coup, j'en ai une. Voilà. Ah, vous avez une copine en ce moment? T'as une copine en ce moment? Non, du tout. Non, non. Non. Et t'en as déjà eu une? Oui, bien sûr. Je veux pas savoir si ça s'est bien terminé. La dernière. Attends. Bah, du coup, c'était qui? Il serait même pas du nom. Non, ça, non, pour de vrai, j'ai oublié. Mais t'en as déjà eu une? Une ou plusieurs? Une ou plusieurs? Non, plusieurs. Plusieurs, plusieurs. Plusieurs. Mais juste, ça m'inquiète un peu quand je me souviens toujours, quoi. Pour de vrai. Ah bon? Non, bon, je trouve ça vrai. Et vous, t'as vu une. Toi, Vincent, t'as une copine? Ouais, j'en ai une, ouais. Une copine ou plusieurs? Une. Ah, plusieurs dans ma vie? Hein. Oui. Plusieurs, plusieurs. Plusieurs. Et vous, monsieur? Kiff, plusieurs. Plusieurs, plusieurs copines. D'accord, plusieurs copines. D'accord. Et ces copines. Comment on fait? Alors, je vous explique le cas. Mon cas, c'est ça va deux bases. Comment on fait pour draguer? Pour draguer. Oui, pour draguer. Comment vous avez fait pour draguer votre copine? Est-ce que vous avez une cigarette? Tu lui donnes une cigarette et tu lui prends un repas et puis ça fait une bonne vénère pour la soirée. Une cigarette. Et vous, de toute façon, comment t'as fait pour draguer? J'ai pas tout de rien. Non. T'as dit quoi pour la draguer, la fille? J'ai pas tout de rien. J'ai pas de tout et de rien. J'ai ah, tout et de rien, ça marche, hein? Bah, c'est comme ça que j'ai fait, quoi. Je sais pas vraiment draguer, en fait. D'accord, t'as dit bonjour et... Non, c'était les filles qui venaient vers moi, en fait. Ah, c'est les filles, tu venais vers toi? Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Et toi? Avant que je vieillisse, en fait. Hein. Mais non! Et vous? Moi, je sais pas draguer du tout. Donc, je suis pas trop drague. Moi, ça vient avec le feeling, honnêtement. Je suis pas trop drague. Je suis pas un dragueur, j'arrive pas. Je suis pas comme ça. Ah, c'est les filles qui viennent vers toi alors? Non, ça dépend en fait du feeling. Si j'ai un feeling avec une personne, en général, j'y vais. Ou ça se fait naturellement. J'aime bien quand ça se fait naturellement. Quand tout se fait naturellement, c'est mieux. Et du coup, voilà. Voilà, c'est tout. Je sais pas draguer. C'est tout. Voilà. Moi non plus, je sais pas draguer. Ça, c'est dur. Hein. C'est dans le feeling. Bien vu dans le club. C'est dans le feeling. Il n'y a pas mieux que les feelings, je trouve. Hein. Non, moi, c'est mec, tu me dragues. Moi, je drague pas, moi. Ah. Bah écoute, t'inquiète, je connais ça. Il n'y a pas de souci. Et Vincent? De quoi? Et vous Oui. Ça, c'est, votre relation, ça c'est. T'es resté combien de temps en relation? 3 mois. Oh, c'est pas beaucoup. 3 mois, ouais, c'est tout. Après, j'ai d'autres relations encore avec des filles pendant 3 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans. En fait, c'est pas vraiment ça. En fait, je suis célibataire, en fait. Ouais, bah, depuis longtemps, alors. Ouais, depuis longtemps, oui. D'accord. Et toi? Ouais, on va dire depuis un an. Ouais, un an, il me semble. Si je m'en souviens bien, oui, ça fait un an. Mais en vrai, c'est pas si grave, parce qu'en vrai, la dernière, c'était justement cette fille-là qui était là sur la photo, mais vous ne la voyez pas, ça va. Mais c'était pas forcément une bonne relation, je trouve, parce que c'était archi toxique, très toxique. Et du coup, voilà. c'est mieux comme ça. Ouais. Et vous, monsieur ? Parlez au micro. Moi, c'est un car spécial parce que je draguais beaucoup. J'ai des copines, mais. Toi, tu dragues. Non, tous les deux on se draguait. Mais en fait, c'est l'émotion qui nous a attiré, moi et elle. Mais dans un cul-de-sac. Et c'est quoi ton style de fille ? Ton style de fille ? T'as un style particulier ? Oh là là, pas vraiment de style. Noir, blanche, arabe. Ouais, y a pas de problème. Du moment que tu t'entends bien avec elle, ça. D'accord. Et toi, Vincent, c'est quoi ton style de fille ? Je sais pas, j'ai pas de style. Ah, t'as pas de style. Et toi ? Monte les 6, s'il te plaît. Tessa ? Du coup, moi non plus, j'ai pas vraiment de style, le style de fille. C'est juste que ça se fait au feeling, donc je sais pas, c'est juste que. Comme ça. Ça se fait au feeling. Ouais, qu'au feeling. Y'a pas mieux, je crois. On va présenter ta musique là. Attention, d'accord. Hein, ok, bon. Larson. D'accord. Et toi, c'est quoi ton style de garçon? Allez, ton style de garçon. Allez. Alors, j'aime bien les garçons métis. Je savais que t'allais faire ça en fait. Ah! Non, mais c'est moi qui lui pose la question. Attends, je vais parler de moi. Ah non, mais c'est moi qui lui pose la question en réalité. Alors, tu veux que je te dise, c'est quoi mon style de garçon brun ? Vas-y, garçon brun. Mm-hmm. Et aussi, j'aime bien les garçons métis. Voilà. Ok. Bah voilà. C'est un style. Merci en fait, pour ce partage. Moi, en fait, comme je vais partir dans l'organisation de soirée, dans la culture afro-antillaise. Et comme je danse le zouk, ils croient que je suis un entier, en fait, moitié entier, moitié indien, quoi. Je danse vraiment le zouk, hein, vraiment. Ah, mais quoi. C'est bien. Ouais, je danse le zouk, en fait. Mais à mon retour d'Inde, non, quand j'étais en Inde, je me suis rendu compte que en fait, j'étais discipliné, en fait. Je m'entraînais pendant 3 heures par jour, pendant 5 mois et demi, tous les jours en danse, hein. Et je regardais les vidéos sur... Je m'entraîne, quoi, vraiment, depuis toujours, quoi, en fait. C'est pour ça que j'ai un assez bon niveau, quoi. Ah, tu danses bien le zouk alors ? Je danse le zouk, ouais. Ah, c'est bien. Avant, ouais. J'étais pas dans les temps, mais maintenant, je suis dans les temps, maintenant, quoi. Ah, j'ai pris des cours de chant, même, pour être dans les temps, en fait. Des cours de tac, pi, tac, pi, tac, tac, pi, tac, pi, tac, tu vois ou pas ? Tu sais qu'on est serré, alors ? Non, mais j'aime pas danser le zouk, hein. Je danse pas le zouk, pour moi. Je sais le faire, je sais danser, mais je danse pas, en fait. Pourquoi ? Et la dernière fois, il y a une fille qui m'a invité à danser le zouk. Regarde comment ça s'est passé. Elle a 45 ans comme moi, quoi. Attends, elle a commencé par m'inviter à danser le zouk dans l'anniversaire de ma sœur. C'est l'ami à ma sœur. Après, moi, je voulais pas. Elle a dit ouais. Elle a dit à ma sœur que je dosais. Et après, elle est revenue. Elle a dit on a dansé le zouk. Alors que, voilà, quoi. Fallait pas que je danse, quoi. Mais c'est bien, t'as bien dansé. Ouais. Elle voulait draguer. J'ai dosé, ouais. Elle voulait draguer. Et attends, j'ai un pote à moi, un ancien pote. Il était là, il allait en soirée, partout où il allait, en fait, il prenait des cours de danse, d'aïkido, de judo, de salsa, et quand il allait en boîte, tout le temps les meufs à se coller à lui pour danser avec lui, quoi, en fait, quoi. Ah ben le mec, il était musclé, les femmes, les non, femmes... c'est pas avez... qu'il était musclé, c'est que c'était un grand danseur, quoi, en fait. Ah, c'était un grand... Il dansait la salsa, après, voilà, quoi. Expérimentation. Et toi, tu danses, toi ? Non, moi, je danse pas. Enfin, si, je danse, mais je tape du pied, c'est tout. Tu danses le slow ? Non, je tape du pied, on va en teuf. Ouais, assez de corps, le bise la tête. Non, je danse pas. Mais c'est tout, je danse partiellement. Moi j'ai remarqué que les schizophrènes ils savent tout faire en fait, hein. J'ai remarqué. T'as remarqué ou pas ? J'ai remarqué que les schizophrènes ils savent tout faire, quoi. Ah bon ? Si, j'ai remarqué moi. Ils savent faire beaucoup de choses, quoi, en fait. Comme c'est des grands idéalistes en fait. Ouais. Ils veulent faire ça. Et c'est à mon âge en fait qu'on se rend compte que ce qu'on voulait en fait. C'est parce qu'on a voulu inconsciemment, en fait, j'ai réalisé, quoi. C'est un truc que je viens de réaliser, quoi, en fait, quoi. Non, mais tu as raison, hein. Je pense qu'on a... Schizo, il y a plus de capacités que le normopathe. Il y a plus de... Comment dire, ton spectre est plus large. Non ? Ouais. Donc, voilà, après, il faut tenir, tu es un peu décalé, mais si tu... En fait, dès que tu fais une œuvre d'art ou un ouvrage, un truc... Tu t'es réinscrit dans la société, donc tu n'es plus qu'est-ce qu'ils offraient, ou délire. Moi, je me sens prisonnier de ma maladie, mais moi, en fait, j'ai réalisé en fait que il y a des gens qui sont bien comme ça, quoi, en fait, quoi. Ouais. Ils sont schizophrènes, mais ils sont bien comme ça, quoi. Mais c'est des gens, en fait, qui ont accepté la maladie, qui travaillent, ils ont leur appart, ils ont leur meuf, et ils sont encore malades, quoi. Vas-y. Toi, t'es déterminé, ça veut dire alors. Hein? T'es déterminé, t'as trouvé une copine. Je suis déterminé. Ouais, non, mais c'est bien. Oui. C'est pour ça que tu finis à l'autre radio qu'on a, ça s'appelle Schizophonia. Parce que si, I'm not schizophrenic, I'm schizophonic. Ah. Tu vois, on change la schizophrénie par la schizophonie. Ah. Voilà, donc on n'a pas besoin. Tu sais, c'est tous des schizophrènes, toi, c'est diagnostic. On peut le laisser tomber hein, comme des vieilles peaux. Hein. Genre, la preuve, là, on a une à côté là, qui s'est sortie de la psychose, qui s'est sortie de l'autisme, et maintenant c'est une artiste. Moi, elle vient il vient même de soigner sa psychiatre. Hein. Et puis, Oui, je. Moi, je suis sorti de. Je suis encore autiste. Parle. Moi, je suis encore autiste, mais avant c'était pire quoi. Je suis dans un monde où, d'imagination, de rêve, de cinéma, de photographie quoi. Ouais. Oui, mais c'est ça, hein, c'est qu'on fait différentes choses comme ça. Alors après, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a des gens qui parleraient pas, qui nous parleraient pas si on serait pas. Ils nous parleraient pas si on serait pas schizophrène, en fait. Ils viennent pour nous aider, en fait. Ils viennent pour nous aider. Ouais. Et après, ils comprennent pas. Eux, ils voient qu'on arrive à faire des choses qu'eux, ils arrivent pas à faire, quoi. Oui, on se permet d'autres choses, mais. Toi, on n'est pas qu'est schizophrène, on est aussi artiste. Toi, tu fais de la musique. Bah, j'en suis pas conscient. Parce que je fais des peintures, je me dis, bon, c'est des peintures. Je les ai vendues 10 euros, mais. C'est lui, il y a des gens, tu sais que Van Gogh, il a vendu un seul tableau dans sa vie. Oh là là. À son frère. Et aujourd'hui, c'est les peintres les plus chers de la Terre, tu vois. Ah, il est plus cher que Picasso. Hein. Oui, enfin, plus ou moins. Mais comment ça se fait? Parce qu'il est comme moi, il a essayé de démarcher, et là, il ne croyait pas, en fait. Mais ça, oui, il ne croyait pas, mais il continuait à peindre, et finalement, il faut persévérer. Hein. Il faut y croire, quoi. Ah, d'accord. Il faut garder son désir et il faut tenir. C'est ça. J'ai fait d'autres peintures, elles sont vraiment bien, quoi. Je voulais les ramener, mais ça sert à rien parce que personne ne va les acheter ici, quoi. Si, on va t'acheter. Même nous, peut-être pas cher. 10 euros, 10 euros. Moi, j'ai celle que tu m'as donnée avant de partir en Inde. Je l'ai toujours dans mon petit bureau, là. Il est sur moi. Ah, d'accord. J'ai acheté à Christiana, je l'achète, là. Ah, d'accord. C'est pas beaucoup d'argent, mais moi, j'adore. D'accord. Alors après. Là, il y a même Jafari qui nous a laissé un ouvrage, mais on ne le trouve pas, quoi. Il nous a offert un tableau pour la radio, on ne le trouve pas. Mais bon, on va le reprendre, on va le trouver. On va demander à les gens qui sont venus là. Mais là, vas-y, continue. Alors après, par rapport aux schizophrènes, les gens, en fait, il y a des. Après, moi, en fait, je suis très facile. Dans le passé, j'étais très facilement manipulable, en fait, moi. Ah oui. Ouais. Et donc, en fait, après, il y a plein de gens bien qui sont venus, il y a des gens moins bien, il y a des gens bien aussi. Et en fait, on est manipulable, quoi, en fait. Hein. Oui, on est tous manipulables. Tu vois qu'on est manipulé par les politiques, par les présidents de la République, par tous les gens. On est tous manipulés. Hein. Voilà. Mais par contre, est-ce que tu peux présenter ton morceau là? Parce que tu fais quand même de la musique. Là, je vois qu'il y a un morceau qui a 147 vues depuis quelques mois à peine. C'est un morceau. Pourquoi il y a 147? Je comprends. Bah, attends, je vais manquer toi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein, années, 147. Mais il y en a quand même. 147 vues. Hein. Et il faut que j'arrête la musique. C'est un signe, ça. Non, tu peux pas arrêter. Attends, ça fait. C'est un signe, c'est un signe. Ça fait 30 ans que je fais la musique. J'ai moins que ça fait... longtemps. C'est pas grave. Non, on ne cherche pas le succès tout de suite. Ça fait 10 ans que le son est prêt. Ouais. Non, 8 ans. Et je l'ai mis que là, en fait, quoi. Ah oui. Bon, tu peux le présenter, le morceau? J'aurai pas le prix Nobel? Ouais, je n'aurai pas le prix Nobel. De quoi ça parle, le morceau? Je n'aurai pas le prix Nobel, ça veut dire que j'aurai pas le prix Nobel, quoi. C'est-à-dire que j'aurai rien fait de grand sur cette terre, quoi. Ça veut dire qui mérite le prix Nobel. Comme on sait que le prix Nobel, c'est une personne dans toute la planète chaque année, ouais. J'aurai pas le prix Nobel, quoi. J'aurai rien d'extraordinaire dans ma vie, quoi. Bah, ni dans la musique. Pas encore. C'est ça que ça veut dire, j'aurai pas bon, le prix Nobel. On va écouter Vincent Black. J'aurai pas le prix Nobel pour tous les futurs prix Nobel qui croient plus. Il faut y croire parce que sinon, on n'aurait pas le prix Nobel, hein. Si vous ne croyez pas, ça vient pas. Ouais, ouais, ici, capitale du crime. Le B.O. Mike. 9-3. Mix, c'est un mix, c'est pas grave. Alors, je vois que ça se fait rien. Un jour, je partirai, j'essaierai mon cash là, je me ferai la belle. Attends, ça arrive. Ça va. J'aurai pas le prix Nobel, tu qui moi? Un jour je partirai, j'laisserai mon cash là, je me ferai la belle. J'aurai pas le prix Nobel, tu qui moi? Attends, c'est un mix avec Abstinence, Dance and Music Production, The Phil and I Am Bad. Mais on va reprendre Vincent Black depuis le début. Voilà, c'était un mix. Là, c'est Vincent Black tout seul, j'aurai pas les prix Nobel. Ouais, si. Vas-y. Capital du crime. Ce qu'il y a, c'est que je dis que j'ai de l'argent alors que c'est faux. Mais je le dis dans la chanson. Mais tu chantes au-dessus. Hein. Je suis obligé d'attendre d'avoir de l'argent pour la sortie de la chanson. C'est rigolo. Non mais c'est vrai, je suis rigolo. J'ai mon cash, un jour je partirai, je laisserai mon cash là, je me ferai la belle, j'aurai pas le prix Nobel, je suis qui moi? Un jour je partirai, je laisserai mon cash là, je me ferai la belle, j'aurai pas le prix Nobel, je suis qui moi? J'aurais pas le prix Nobel, mais je vis en paix. Rien à foutre des faits, arbitrage macabre. Je m'enfuis comme un rebelle, comme si j'avais quelque chose à me reprocher. Ici bas tout se paye, comme dans l'au-delà. Je voulais mettre bien être fait, aujourd'hui c'est fait. Mon père qui voulait voir son fils réussir, les langues de pute me défait. J'jouerai plus, sans rester fixé sur les anciennes défaites. Un jour je partirai, je laisserai mon cash là, je me ferai la belle, j'aurais pas le prix Nobel, je suis qui moi? Un jour je partirai, je laisserai mon cash là, je me ferai la belle, j'aurais pas le prix Nobel, je suis qui moi? On veut l'euro, aujourd'hui je l'ai, la paix nous m'éblouissait. Mes nuits moraux sans parfum, l'ivresse nocturne, mes mensonges tournent dans la nocturne. Matine en poche, j'y cave la lune, le ciel plein d'émerveillement. J'agis plus vainement et je deviens un gâtesse. Qui laisse qu'encaisse dans ce bas monde, là où tout serait vain. Je veux pas penser comme ça, je veux qu'on me donne ça bien. Mon flot est comme un citron, comme le citron vert d'une vodka sec pressée. Je me mets bien, mon bis propre, reste réglo sobre, agile sans vodka. Un jour je partirai, je me ferai la belle, j'aurai pas le prix Nobel, je laisserai mon cash là. Je suis qui moi? Un jour je partirai, je laisserai mon cash là, je me ferai la belle, j'aurai pas le prix Nobel, je suis qui moi? Reste sérieux mon vieux, mes sauces vendent de la chenouf à place Clichy. Zozo web ça finit, mais ils prenaient des risques démesurés. D'entrée de jeu, ils grossissent en flancher. Qu'est-ce que tu croyais mon vieux? On n'allait pas se laisser noyer, voyons. Les you vont en action, je perds pas le nord. Ma carrière au beau fixe, fixe la go sans prétention. Je suis productif, regarde personne de haut sans face réductrice. J'arrache les draps au cutter, tel un lutteur, un samouraï. De mes anciennes défaites qui cicatrisent mal, isolé comme dans une matrice. Je médite sur mon sort, dehors les MC perdent le nord. Et je reste posé, on est divisé et les ports vont saigner. Un jour je partirai, je laisserai mon cash là, je me ferai la belle, j'aurai pas le prix Nobel, je suis qui moi? Un jour je partirai, je laisserai mon cash là, je me ferai la belle, j'aurai pas le prix Nobel, je suis qui moi? Oui, oui, c'est super. Attends, là, il y a Eric McKinnon qui nous dit qu'il faut pas vouloir le prix Nobel parce que le mec, il a inventé la dynamite, tu sais. Le mec, le prix Nobel, c'est le mec qui a inventé la dynamite. Ah ouais. Monsieur Nobel. Voilà, donc on s'en fout du prix Nobel. Hein. Merci, Eric. Voilà. Voilà. Attends, prends le micro. Et Einstein a inventé quoi? Einstein a inventé la théorie de la relativité générale, restreinte, plein de trucs, quoi. Négatif, plein de trucs négatifs. Non, c'est pas négatif. En fait, c'est un inventeur physicien, mais après, les gens se sont détournés leur invention. Ah. Mais après, il y a Oppenheim, ce mec-là, il y a un livre à lui. Hein? Vas-y, vas-y. Le nucléaire, la fusion du nucléaire, je pense que c'est Oppenheimer, c'est quelqu'un comme ça. Mais c'est, en fait, c'est tous les physiciens quantiques qui ont commencé à faire des recherches au début du XXe siècle. Ils ont créé énorme. Mais après, c'est pas eux qui voulaient faire la guerre, c'est les politiciens qui sont détournés leur invention pour dire voilà, on va dominer les gens parce que les États-nations, nous, on est français, vous êtes belges, je sais pas quoi, chinois. Mais c'est, enfin, il faut éliminer toutes les nations, tous les armements de la Terre. Ah, ouais. Et voilà, et en plus, on n'a plus de guerre, on n'a pas d'ennemi, quoi. Oui, non, mais on n'a pas d'ennemis. Donc voilà, on va essayer de inventer un monde nouveau, un monde de plus métanoïaque. Oh yeah! Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Christina, tu voulais parler, vas-y, tu voulais parler de ton amour là, vas-y, non, vas-y. Non, je parle de quelque chose, mais prends le micro. C'est pas bien. Si, c'est bien. D'accord, alors je vais vous parler du. En fait, pas de moi, mais de. Oui, de moi, d'accord, je vais parler de moi. Vas-y. Non, à chaque fois que je parle de ça, les gens, ils fuient. Non! On est de retour sur Métanoïaque, là. On a eu un petit bug parce que Christiana nous parlait des sujets très intimes. Mais vas-y, Christiana, on t'écoute. Alors, je veux dire que moi, je j'espère que ça dérange personne, mais je suis polyamoureuse. Ouais. Ouais, les polyamoureuses. Ouais. T'inquiète. On n'entend pas le. On entend quelque chose ou pas? Oui. Ben non, en fait, le polyamour, c'est que c'est si compliqué de ça. Vous, ouais. En fait, le polyamour, c'est comment vous expliquer? Oui, c'est ça, c'est prends ça. Micro, Vincent. Ah d'accord. C'est quand on est amoureux de plusieurs personnes, mais c'est rare. C'est quand on a une attirance, on est tombe amoureux de plusieurs personnes, une, deux à la fois, ou on peut tomber amoureux de deux personnes à la fois, mais on ne fait pas exprès. Les gens, ils croient que c'est un trompage, mais c'est pas vraiment un trompage. On a les émotions, tu viens comme ça et on est amoureux. Oui. Non, on est amoureux à deux, on est amoureux à deux, à trois. Non, tu as combien d'amoureux là? Vas-y. Ah. Non, là, j'en ai qu'un seul amoureux. Ah oui. Ah, j'en ai qu'un seul là. Bon, tu as le droit, tu es libre. Hein. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci. Non, j'en ai qu'un seul là pour l'instant. Et tu veux le dédicacer une chanson? Hein? Tu veux le dédicacer une chanson à lui? Non. Tiens, je vais mettre une chanson d'Umberto Tossi. Tiamo, tu connais ça? Regarde. Tu peux continuer à parler, hein, mettre un peu de musique, parce que là, Bastien, il aime bien le truc italien. Mais il est parti, mais attends, je vais voir si ça passe. Ça marche plus, j'ai l'impression. Et vous pensez quoi du polyamour, c'est ça? Moi, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Donc ça me choque pas. Les gens polyamoureux. Ascension. Amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti. Amo, io sono ti. Amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, prendimi l'altra. Petite bague aujourd'hui. Bonjour messieurs, bienvenue à la radio. Bienvenue monsieur, venez. Venez, vous pouvez vous asseoir, on est en train de reprendre parce qu'on avait... On était en train de chanter Ti amo, oui. Mais tu vas pas arriver là, parce que si tu vas et tu reviens. Comme tu veux, ok, vas-y. Après, tu te fais une impro à la fin. Ok, on va reprendre Ti amo parce que Christiana, elle était en train de chanter en italien. Vas-y, on reprend. C'est très bien. Ti amo, un solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà. Primo maggio, ancora nous allons. Che fatto quando non c'è no. Elle è la sola di Lino. Dammi solo un bambino che t'ha. Sogna cavaliersi gira un po' di là. J'ai pas trouvé d'autres personnes pour. En fait, je vais expliquer. J'ai pas trouvé d'autres. J'ai un amoureux depuis 2 ans, mais j'ai pas trouvé d'autres personnes pour être amoureux parce que je connais pas d'autres polyamoureux. Micro. Non, micro, parce que sinon on comprend rien les autres. Ouais. Vas-y, vas-y. Enfin, je sais pas. En fait, est-ce que c'est parce que. Est-ce que c'est pas. Peut-être que c'est pas. Enfin, c'est pas encore vraiment très. Très, comment dire, commun. Ah voilà, c'est pas commun, c'est pas assez répandu pour l'instant, mais ça va venir. Hein. Ça va venir. Non, mais mon deuxième amoureux, je vois pas, je veux le trouver. Déjà, j'en ai un premier, c'est bien. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais un deuxième, je crois pas, je vais en trouver un. Mais si. Il y a toujours possibilité. Mais non, mais il faut que je trouve quelqu'un d'époux à l'amoureux comme moi. Oui, bah ça existe. T'existes, donc ça existe. Il faut qu'il accepte le. Tu vas parler de l'amour le... Bien sûr. Bien sûr, c'est normal. Mais faut qu'il le premier accepte le deuxième. Oui, aussi, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai que quand il pense, ça peut être un peu plus con. Alors, s'il est polyamoureux, je pense qu'il devrait quand même l'accepter, après, c'est son caractère. Ça dépend de la caractère de la personne que tu rencontres. Donc, mais bon, c'est faisable. Oui. C'est faisable. Il faut juste patienter et trouver la bonne personne et surtout pas de précipiter. Surtout, ça, c'est... faut pas. Tranquille. C'est mieux. Tranquille. Ça va aller. T'inquiète. On est là. Oui, alors Jason, ça va? Hey Jason, parle! Tu viens de quel match de foot alors? Hein? Tu viens de quel match? Tu es parti? Tu as fait quoi comme reportage cette semaine? Rien. Demain, il y a le Real Madrid contre Chelsea. Ah oui? Et tu vas aller là? C'est où? En Angleterre? Tu prends le train, l'Eurostar? Non, je crois pas. J'ai pas monté dans leur car. Hein. Bah, tu peux, hein. Tu es notre co-responsable. Tu dis, je suis le co-responsable métanoïaque. on te fait une crédentiale là, tout de suite, là. Non, je crois pas, non. Ouais, oui, si. De l'an, peut-être. Ouais, tu peux y aller. Juste, tu fais un reportage radio. C'est moi, je suis Jason, je suis métanoïaque, et voilà. Entre les deux derniers champions d'Europe. Ouais, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match qui se profile pour demain? Bah, je vois bien un match nul ou ou une victoire, un des deux. Un gros score. Un gros score. Un gros score. C'est quoi un gros score? Combien? Je sais pas, 4-0, 5, 6, 7. Ah oui. Mais 7 buts. Déjà bien, déjà 3 buts. Ah oui. Et pour le Real Madrid. Mais tu. Et tu penses quoi de l'amour là? Parce qu'on parlait de l'amour, de polyamour, de one amour, de copains, de copines. Ah, je sais pas, c'est l'amour des copains, non? Ouais, il y a l'amour des copains aussi, il y a l'amitié qui c'est un amour. L'amitié, ouais, voilà. C'est un amour peut-être inconditionnel aussi. Ouais. Non, je crois pas, non. Non? Vas-y, vas-y. Donne-nous ta version. Une amitié inconditionnelle peut-être. Ouais. Tu as des amis, beaucoup d'amis, plein? Ouais. Fille ou garçon? Les deux. Au trans? Les trois. Ouais, oui. On a mis beaucoup d'amis. Hein. Mais oui. Et qu'est-ce que tu peux nous dire des choses sur l'amour? Tu as une vision des choses? Non, non. Non genre, une vision peut-être dans le futur. De le futur. Ah, dans le futur. Quoi dans le futur? Avec mon ex. Ta future ex? Mon ex. Ah, t'as eu déjà une petite amie? Oui, quand j'étais petit, il y a 5 ans. Oh, mais c'est vieux ça. Mais si, c'était on s'aimait toujours. Oui, je pense qu'une fois que tu aimes quelqu'un, tu l'aimes toujours. Quelqu'un. Bah oui. Ma frère, elle est à la personne pour l'instant. Ah, elle est à la personne pour l'instant. Oh, tu es encore en contact avec elle alors? Ouais, j'ai croisé une fois avec sa mère à Rony 2, à Leclerc de Clichy-sous-Bois. Et ouais. Ça t'a fait quoi de la revoir? Bien. T'as eu encore un coup de foot pour elle? Bah oui. Oh, c'est mignon ça. Ouais. T'avais 5 ans, elle avait 5 ans. Oh, c'est mignon. Ouais, vous étiez petit. Bienvenue, Caroline. Prenez un micro. 2-3 ans. Ah oui. Ouais. Et là, elle a quel âge maintenant? Le même âge que moi, mais elle est du mois de mars et moi du mois d'août. Et tu l'as revue Non. T'as mis avec elle? Non, là, ça fait longtemps, on s'est pas vus. Ils sont pas venus nous voir à la maison. Et il y a eu le Covid et tout aussi. Oui. Dommage. Mais ça peut... Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue à la radio. Bienvenue Caroline. De quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? Je voulais parler d'une chose très importante. Attention, on va écouter Caroline parce qu'il a toujours des choses très très importantes à nous dire. Donc on va mettre de la musique après. Jason, tu peux venir la mettre là si tu veux. Il y a une personne qui est de l'hôpital du Livrard. Oui. Et qui est du conseil départemental, oui. A pris toutes nos économies et les a envoyées au Commonwealth. Oh, Commonwealth en Angleterre. En France, oui. Et en Angleterre. Et puis il y a quelqu'un qui les a récupérés. Mais c'est juste, hein. C'est juste. C'est qui les a récupérés? Vous savez pas qui c'est? C'est mon père. C'est votre père, oui. Qui a tout récupéré? Avec ma sœur. Il l'a envoyé en Angleterre. Et puis ce qui s'est passé, c'est que tout cet argent-là. C'était pour aider tout le monde. Oh, mais on va lui parler. Attendez, père de Caroline, vous allez envoyer l'argent à l'Angleterre? Continuez, dites-nous tout ici. Continuez, Caroline. Oui. Continuez, racontez-nous. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi que Gisèle Rebouchet a dit à une autre personne, que je dirais pas de nom, lui a demandé de transférer tous les comptes des Français au Commonwealth. Et le Commonwealth, c'est quoi? C'est le Ku Klux Klan. Voilà. Non, Ku Klux Klan, encore là, Ku Klux Klan. C'est pas possible, Ku Klux Klan ici à Bondy. Ah oui, non mais je vous crois, mais pour qu'est-ce qu'il faut? Vous pouvez téléphoner. On téléphone à qui? Vous téléphonez à votre banque. On va téléphoner à ma banque? Non, mais ne me répond plus ma banque là. Il ne veut plus savoir de moi. Ah, peut-être c'est pour ça que j'ai plus d'argent. Ils ont tout envoyé mon argent. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Ah oui. Oui, mais attends, on écoute Caroline après. Reste, mets-toi là. Tu vois là-bas et tu nous dis. Ah bon, Caroline? Et oui. pour vous faire un peu plus d'argent, oui. Vous faites le 881. Attendez, on va noter ça parce qu'on va noter le numéro. Attendez, le attention. 881. 881. 1456. 1456. Et le 3156. 3500. 3056. Vous avez bien noté le métanoïaque. Voilà. Caroline, chaque mercredi, nous amène le numéro qu'il faut jouer. C'est quoi, chevaux mécaniques aussi? Ou autre jeu? Jeu mécanique. Jeu mécanique. J'ai pas encore d'idée. Mais c'est pas un problème alors, Caroline, parce que si les gens envoient tout l'argent sur le Commonwealth, vous, avec tout ce que vous avez, avec les numéros choisis, vous nous allez nous faire gagner de l'argent. Oui, automatiquement, oui. Automatiquement, donc il n'y a pas de souci. Bah, il n'y a pas de problème. On récupère tout l'argent que parti en Angleterre. Rien de, voilà, donc tous les métanoïaques, allez au jeu mécanique à jouer. Mais j'espère que ça s'est fait. De quoi tu sais faire? Je suis pas sûr. De quoi? Pour l'argent de tous les Français. Oui, oui. À mon avis, il y a des business qui se font. C'est pour ça que j'ai arrivé en vitesse. Ah oui. J'ai appris ça. Vous l'avez appris tout à l'heure, là? Je viens de l'apprendre, là. Par message télépathique? Non, je viens de l'apprendre. Comment vous apprenez? Comment vous communiquez? Je communique, oui, hein, par télépathie. Télépathie, oui. Aussi, parce que j'ai un petit don. Ah, vous avez un don? Oui, j'ai un petit don, mais il ne faut pas trop en parler. C'est quelque chose que... C'est un don secret. Qui a été donné. Mais oui. À la naissance. Donc, oui, non, mais ça, c'est pour ça que vous nous dites, chaque mercredi, vous nous dites à quel numéro il faut jouer. Oui, c'est pour ça. Ouais. Mais j'espère que nos amis Eric et Mavuseki, là, il faut aller jouer tout de suite au numéro qu'on vient de donner. Est-ce qu'on peut répéter les numéros? Attends, c'est ça. Les numéros 881, 1456 et 3056. Voilà. Donc allez jouer rapidement avant que l'argent des Français soit parti. Merci Caroline pour ces chroniques. La chronique de devination. Hein. Mais c'est bien, vous pouvez venir nous raconter tous vos messages. Mais oui, vous avez la chronique de devination, vous recevez des numéros de jouets de loto, des secrets d'État. Et là, ici à la radio, vous pouvez tout nous raconter parce qu'ici, il n'y a pas de censure, il n'y a rien. Ici, on permet les choses là. Et puis, j'espère que tu feras plus de bêtises, Ghislaine. Parce que franchement, hein, envoyer tout l'argent là-bas, franchement, c'est dégueulasse. C'est qui Ghislaine? C'est qui Ghislaine? Ghislaine Boucher, c'est une secrétaire qui a été embauchée par piston par Madame Sylvie Redding à l'époque. En 1988, elle était là. J'étais là quand je suis arrivée. 1988. Et on est en quelle année là, en ce moment, aujourd'hui? Là, on est en 2023. C'est bien. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez une autre chose à nous offrir pour aller jouer? Un autre type de jeu pour gagner? Parce que c'est les chevaux mécaniques que vous jouez. Alors, souvent. Non, là c'est autre chose. Ça. C'est autre chose. Le 91. 91. 3 fois les 91. 4 fois 91. Allez jouer tout de suite, Eric Mikkinen et compagnie. Allez jouer 91, 91, 91. Et vous allez gagner. Non, c'est pas ça. Ah, pardon. C'est 91, 91, 91, 91. Tout collé. 4 fois 11. Ah, voilà. J'attends. 4 fois 91. 4 fois 91. 3 fois 4 fois 91. Non. 4 fois. Attends, Tessa, tu peux me... 4 fois 91. 91, 91, 91, 91. C'est ça? Bon, on va aller jouer tout de suite parce que Caroline était inspirée, elle a reçu le message et c'est le moment de jouer. Voilà. Et Jason, pour l'instant, va nous dire un truc. Tu veux, Maman Melina? Tu veux dire quelque chose, monsieur Héros? Je lisais une lettre que j'ai... Vas-y, tu peux pas un micro, il y a à côté de toi, il y a un micro là. Lis la lettre. Non, je lisais une lettre que j'ai trouvée là. Elles se taisaient, ces deux femmes, sur le balcon du troisième étage, comme si elles méditaient sur leurs dernières paroles. La narratrice, Rosabella Vita, soupirait encore, le bras croisé, les lèvres ulcérées, le regard douloureux perdu dans le vide. Madame Fortunetta Marino pensait à la confidence qui lui avait été faite. Et elle ne levait pas ses yeux attentifs de la balustrade et battait régulièrement avec le manche de son éventail dans sa main ouverte, riche de bagues. « Dites-moi vous, » dit l'autre, rompant le silence, « conseillez-moi aussi, vous, pour l'amour que vous portez à vos enfants. Vous semble-t-il que ma vie puisse continuer de cette manière ?» « C'est un malheur, » murmure le Marino en compatissant. « Et dites, que puis-je faire ? Celle-ci cherchait dans le copieux assortiment de conseils qu'elle serait prête pour toutes les occasions. Jésus, s'exclama-t-elle. Tiens, il n'est pas là, celui qui fait Jésus. À l'improviste. À l'improviste. Vous ne sentez pas, vous, cette mauvaise odeur, hallucination? Rosa Belle vite, les yeux larmoyants, se tourna sur le côté, en flairant, pour savoir d'où venait l'odeur. Vous la sentez, cette odeur? Vous la sentez? Alors Rosa se mit à la balustrade, regarda en bas au troisième étage, là dans un angle, s'accumulaient des rebuts de toutes sortes sur lesquels tournoyait une nuée de mouches, Quando ridi Napoli, prima volta no, la salsita, como chieti, la police arriva, elle embarqua. Les infirmiers lui demandèrent de monter dans l'ambulance, elle refusa, il a fallu la piquer après lui avoir donné quelques petits comprimés qu'elle a refusés. Les copains regardaient, personne n'a bougé. Elle a atterri au G14 pour reprendre son traitement. Mais elle sortira bientôt, je vous rassure. À la semaine prochaine. Texte trouvé, Caroline. Texte un autre message. Caroline, allez, prenez le micro. Message, Caroline, il a un autre message télépathique. J'ai encore autre chose à dire aussi. Très important. J'ai oublié. Il faut que Gisèle, il faut pas que tu fasses ça, parce que sinon après tu es détesté par tout le monde. Je sais que tu veux l'épuration de la population française. Et aussi, je m'en vais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Gisèle, tu écoutes? Je sais pas où elle est. Il y a aussi autre chose aussi. Mais je ne m'en rappelle plus. Je vais le dire, mais... Vous pouvez dire, vous inventez. Si vous ne vous souvenez pas, vous pouvez inventer autre chose. Pourquoi vous ne pouvez pas inventer? On peut inventer ici à la radio, on peut tout inventer. On n'a pas le temps de dire la même chose. Ça me fait penser au film que j'ai vu hier, La Rôle des modes. Je me souvenais juste d'une histoire, c'est un film de 1971, c'est un jeune homme de 15 ans. Passionné par le suicide, qui met toute sa vie en scène pour se suicider, entre guillemets, qui va à tous les enterrements et qui rencontre une vieille dame de 80 ans. Ah, j'ai vu ce film. Il est trop beau. Et en fait, je l'avais pas revu depuis très longtemps. Je me souvenais qu'à d'un seul truc, c'est un moment où on voit son numéro, parce qu'en fait, elle était dans un camp de concentration, donc d'une épuration ethnique. Là, on parlait de l'épuration ethnique. Et c'est un trop beau film, parce qu'en même temps, il y a une espèce de révolte contre la société, en même temps, une tendresse, en même temps, il y a des choses qui passeraient même pas maintenant, comme un jeune de 14-15 ans qui embrasse sur la bouche une dame de 80 ans. En fait, il y a quelque chose, même si on a l'impression que les choses évoluent, il y a des choses qui pouvaient se dire à l'époque, qui ne pourraient pas se dire maintenant. Il voilà. Voulait se marier avec elle même. Oui, il voulait se marier avec elle. Vous l'avez vu quand? Bah, à l'hôpital de jour, ça fait longtemps que ça. Ouais, moi je l'avais vu en 1972-13, donc ça fait un moment. Hein. Voilà. Il voulait se marier avec elle et elle se suicide. Elle se suicide parce qu'elle a décidé de ne pas dépasser le 80. Bon, maintenant, sur la route, c'est le 90. Hein. J'ai un copain qui s'est suicidé pour les 90 ans. Enfin, il ne s'est pas suicidé, il s'est laissé mourir. Mais elle, je ne sais pas, 80 ans, dans les années 71, ça paraissait jeune quand même. Mais voilà, elle avait décidé de mourir à 80 ans. Donc, elle se marie avec lui, mais elle ne se suicide pas parce qu'elle se marie. Lui, il décide de le prendre pour épouse. Donc, sa mère tire la gueule et tout parce que, bien sûr, elle lui cherchait une épouse plus débile l'une que l'autre. Mais voilà, charbonne de l'époque, mais avec lesquels chaque fois il mettait en scène des suicides, une fois par immolation, une autre fois par un harakiri, une autre fois par je sais plus moi, quoi. Moi je suis pas trop mariage. Quelle ouais. Tendresse. Mais je comprends bien, voilà. Mais ils vont pas au mariage, ils vont aux enterrements. Et à la fin, et ben voilà, on les voit dans une scène, on voit qu'ils sont, il y a un petit ange derrière et qu'ils ont dormi ensemble. Et puis il lui propose le mariage, voilà. Et elle lui dit, bah oui, c'est bien, c'est gentil, mais je vais mourir bientôt parce que j'ai pris un comprimé pour mourir, parce que j'ai décidé de mourir à 80 ans. Je trouve que c'est un peu jeune, 80 ans, parce qu'elle était en pleine forme. Attends, je veux dire pourquoi je pense pas au mariage, parce qu'on peut pas se marier à deux femmes et un homme. Ah bah ça c'est sûr, mais si ça existe, c'est pour ça la je polyandrie pas. Confraternelle, ça existe dans les pays où il y a très peu d'hommes dans sur le table. Des filles et un ouais, ça existe. La monogamie. Non, ça s'appelle non. C'est quand une femme a plusieurs hommes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, bah, y a une femme, je crois que c'est sur les tableaux là-bas, vers le Tibet, tout ça. Voilà, il y a la monogamie, c'est ça. Voilà, non, pas la polygamie. La polygamie, c'est avoir plusieurs femmes, ça c'est plus connu. Mais la monogamie, souvent c'est les hommes d'une même famille. Même famille. Oui, attention, il y a un autre message. Il y a un message que Caroline nous amène. Attention, attention, Metanoia. Je vais vous parler avec plusieurs langues. Allez-y, plusieurs. Je vais essayer de décoder. Allez-y. En chinois. Oh là, vous avez reçu tous les messages. Quentin Verlac, tiens. Ouais. Je finis sur le film Quentin. Reçu. Le film dont on parlait, Rôle des modes. Et en fait, je pense à quelque chose auquel j'avais pas pensé avant, c'est qu'elle habite dans un wagon, la dame. Et à un moment, ils vont dans une fête foraine et ils regardent le petit train. Et en fait, le petit train, à un moment, c'est encore comme le petit train de Rita Mitsuko, c'est le train qui l'emmenait à Auschwitz. Et donc, du coup, on voit à un moment même un bâtiment, ça fait penser à l'entrée d'Auschwitz. Et le deuxième truc, c'est qu'elle habite dans ce wagon. Voilà, je viens de penser à ça et j'y avais pas pensé avant. Voilà, c'est un film à revoir et dont on ne se lasse pas et qui est toujours aussi beau et aussi émouvant. Et vous pensez pourquoi une femme ne peut pas aimer deux hommes ? Mais si, elle peut aimer deux hommes, si elle veut, ça existe. Hein. Il y a plein de femmes qui le font, mais elles ne le disent pas. Vous pensez ? Bah oui. Bah oui, c'est courant. Et vous pensez quoi de ça, vous ? Oh bah, moi, j'ai pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas mon problème. Moi, déjà, avec une femme, c'est déjà difficile. Alors, s'il faut en plus. Après, j'ai l'impression que ça bouffe toute la partie imaginaire. C'est comme des gens qui n'ont pas d'imaginaire. Alors, soit ils se prennent la tête dans les institutions, soit ils se prennent la tête dans des histoires de couple qui sont en fait des histoires réelles. Voilà, ils croient aller dans l'imaginaire, ils croient casser un peu le symbolique en disant voilà, pas qu'une femme, pas qu'un homme. Mais en même temps, ils sont dans un réel qui galvaude tout le côté imaginaire des choses et tout ce qui peut se passer quand on n'est pas dans le réel. Voilà. Donc je pense que c'est en fait des gens qui n'ont pas d'imagination qui font ça. Quoi. Enfin, je dis ça comme ça, sans jugement de valeur. Il peut y avoir des gens qui ont de l'imagination, mais je trouve que ça prend beaucoup d'énergie dans le réel d'être en relation avec quelqu'un, si en plus il faut rajouter ça, oh là là, c'est une vraie institution. Eh oui, on parle de l'imagination au pouvoir. Et Jason, il va nous présenter une chanson. Jason, vas-y. Qu'est-ce que tu veux ? Merci Régis, ça, pour cette parole. Tu veux nous parler de quoi, Régis ? La chanson est de Edge of Guy de Julien The Phantom. Vas-y, on t'écoute. Tu veux chanter avec ? Oui. On vous écoute. On est sur Metanoia. Attention à mes micros. Oh. On voit pas le son. Non, c'est bon. Attends, Jason, tiens, prends ça. Voilà. Ça. Force de penser que le plus beau reste à venir. Et loin de toi. Until we find out, let me, nothing going to fall down. Until you're in front of me. Oui, merci Jason pour cette chanson métanoïaque totale. Bonjour Quentin, bonjour tout le monde. Christina, tu peux répondre, hein, tu peux dire bonjour. Bonjour Quentin. Oh non, pas salut Quentin. Oh non, pas Christiana, elle est là, c'est dommage. Là, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'ennemi ici à la radio. Ici, à la radio, il n'y a pas d'ennemi. Vas-y, on va faire la musique là, Siol. Non. Attends, moi je vais téléphoner pour pas qu'il... Tu prends l'instrument. On va jouer là. On va faire un petit live. On va faire un petit live métanoïaque. Aujourd'hui, on est moins nombreux que d'habitude, mais quand même. Mais on y va avec tout. Christiana. Allez. Attends, il connecte. Tu as connecté. Tu dis quand tu lances le son là. Christiana, tu penses quoi de tout ça? Caroline, un message, prenez le micro. Attention, il y a un autre message télépathique qui arrive. Caroline, allez-y, on vous écoute. Allô? Tu n'as pas oublié les fins de vie des gens que tu as pris? L'argent des pensions de guerre des gens? Tu n'as pas oublié ça? Tu n'as pas oublié aussi les classes de découverte? Des gamins? Du conseil départemental? Tu les as tous entubés. Je ne sais pas de qui vous parlez. Vous parlez de qui, Caroline? Ghislaine Ray Boucher. Ah, d'accord. Encore elle. Elle vous perturbe quand même. Hein. J'allais le dire. Hein. C'est pas une question de perturbation. C'est une question de fait. Oui, non, mais je vous crois, mais. Non, mais je sais. Mais vous recevez des messages que nous ne recevons pas. Donc, c'est pour ça que Ils devraient regarder leur vidéo. Oui. Et la vidéo. Elle a fait ça le dimanche. Et la nuit. Mais la nuit. À quelle heure? Parce qu'elle a le badge pour entrer. Elle a la voiture. Ah oui. Et qu'est-ce que... Et vous recevez d'où le numéro, là, que vous avez dit, le numéro pour jouer aux chevaux mécaniques? Ah oui, il y a aussi autre chose aussi. Oui. Surtout, vous ne téléphonez pas au 798. Parce que vous abonnez directement au Cucuchelin. Oh, waouh. Oui. Ah ouais, on va pas appeler. Appelez pas, si 798. Si vous faites sinon, le 796. Oui. X. C'est un autre micro là-bas. Alors, attendez. 796 X. Ouais. N plus moins 1. Oui, moins 1. Attends, notez s'il vous plaît. Vous parce aurez que... le madame Justine Boucher. Ah non, encore elle, non, merci. Si, non. C'est le Cucuchelin. C'est le Cucuchelin, c'est... Ah, c'est les enculés, tu as attrapé des noirs. Oui. Voilà, oui, c'est oui, en Amérique. Dis-leur bien, Christina, dénonce. Dénonce tout. Bon, ok, on va faire un peu de musique, là. Vous pouvez continuer à dire vos messages, Carolina. Vous prenez le micro et dès que vous avez un message que vous recevez télépathique, vous le dites. Hein. Vous avez la chronique télépathique. Ouais, vous occupez de la télépathie à la radio. Hein. Donc on compte sur vous là. Vous amenez les messages. Quentin, tu veux parler un peu là ? Tu prends un micro. Quentin Inivé, là, je veux pas les croire. C'est nouveau. Quentin, il vient de trouver un boulot, putain, c'est génial. Il est trop content. Voilà, vous pouvez aller, vous avez une remise de 30% tout de suite. Voire 50% si vous êtes fidèle. C'est où au ministère ? C'est le ministère. Mystère. Le ministère du mystère. Ouais, non, c'est dans un magasin et tout. Et c'est payé combien, ça ? 1700. Waouh ! Ah, sans les primes, bah, c'est pas la déprime ça. Ah bon, ça va être 2 000 € par mois. Ah, c'est pas mal, hein. Il y a de quoi occulter l'hôpital, hein. Hémorragie à l'hôpital, hop. Tout le monde a Rony 2. Ah, venez, prenez le micro là, venez, venez. Caroline, elle est en plein de transe là, elle reçoit des messages télépathiques tout le temps là. Donc elle prend le micro 5, allez-y. Micro 5. Et Martin, pas Martin, Quentin, vous avez une idée du salaire qu'il va avoir ? Compris ouais, entre. Bonjour Patrick. On va pas me prendre pour une devine devin. Non, là on est en train de. Non, parce que lui il voulait savoir si. Il aime bien Quentin, il voulait savoir si vous avez une espèce de. Comment dire, perception de c'est ce qu'il va avoir dans le futur. Qu'est-ce qui va se dévenir, c'est-à-dire dans le futur par exemple ? Vous avez une idée ? Oui. Qu'est-ce qui va se passer ? Je peux pas vous le dire. Elle va fondre. Ok, c'est pas grave. C'est tant mieux, parce que vous avez raison, le futur, il faut pas le dire, parce que ça n'existe pas. Mais voilà, mais on le construit petit à petit. En tout cas, Caroline, le micro 5 est ouvert pour vous. À chaque message télépathique que vous recevez, vous venez direct nous le donner. Voilà, donc confortable, non, Pink Floyd. Pendant qu'on se prépare avec Loïc, on va faire un peu de mix, Christiana à la voix, Tessa aussi. Régis, tout le monde, Patrick va chanter. Quentin, là, maman Mélina, elle est dans son confortable âme. Thank you. Attends, tu vas changer les... Attends, tu vas changer de câble. Tu changes de câble pendant que... On a un petit problème de pile, là, parce qu'on est le métanoïaque. Tu prends celui-là, tu prends celui. On a les métanoïaques qui sont... avec des piles qui ne marchent plus. C'est pas grave. Mais là, on est revenu sur Pinode. Et il y a Loïc Seol qui va nous faire un live de... Attends, voilà, ça devrait... Si on voit là, on lève la couverture. Parce que sinon, on n'a pas de... Voilà, si tu peux mettre un truc. Voilà, donc tu peux mettre... Non, tu enlèves. Tu enlèves le truc. Tu mets l'autre chose. Et Tessa va m'aider à parler de certaines choses pendant qu'on répare tout le truc. Ça marche ? Attends, on va. Là, c'est bon, c'est bon. Là, ça devrait y aller. Non, mais là, tu as un problème de volume, il faut mettre des volumes sur le truc. Mais attends, tu as enlevé le truc. Moi. Ouais, ça va durer très peu. Ça remarche. Non, mais ça vient plus de. Il faut pas enlever ça parce que. Ouais, il y a plus de batterie. Donc, voilà. Plus de batterie. Alors, on est obligé de faire de l'impro voix parce qu'on a un problème de batterie, ouais. de tous nos instruments. Donc, on va essayer de mettre un peu de. On va revenir sur un peu de musique là. Qu'est-ce que tu veux? Tu voulais parler, Christina? Tu as pas fini tes. Tu voulais parler de polyamour? Arrêtez que le pli à mort, ça énerve tout le monde. Non, ça, non. Tu peux en parler. Non, mais docteur, l'autre il disait, comment il s'appelle? Docteur Héro. Docteur, l'autre il dit que je fais une oxy. Quentin, c'est pas mon style de mec, hein, du tout. Il me plaît pas du tout. Il est trop. Je le trouve trop macho. J'aime pas les mecs comme lui. Ouais. Moi, je préfère. Les mecs que je préfère, c'est les mecs sensibles, intelligents. Ouais. C'est intéressant, un mec intelligent. Romantique. Tu t'invites au restaurant. Ouais. Quentin, je pense pas qu'il est comme ça. Jason, vas-y, prends une rap. Bon, on a très peu de batterie, ouais. Ça peut se couper à n'importe quel moment. Jason, tu peux nous faire une impro là? Vas-y, prends le micro. Micro numéro 4. À toi, vas-y, t'écoute. Vas-y. Edge of great. No. C'est bon. Bravo, j'ai ça trop mal de chaud. Non, mais... Vas-y. On a 5 minutes. Ah bah, je voudrais remercier cette merveilleuse équipe qui t'accompagne pour ces après-midi diaboliques, gourmandes, en idées sympathiques, en poésie, en vertu, en amour, en colère, en nouvelles idées. Et donc, je pense qu'on se nourrit aussi de tout ce qu'on perçoit ici. Et toute nourriture est susceptible de nous transformer. Donc, je vous dis, mademoiselle, attention à l'empoisonnement par vos impressions, vos sentiments et vos idées. Voilà, tout ce qui n'est pas de votre style, vous vous éloignez. Oui, c'est pas mon style. Et vous dites non, sans façon. Vous connaissez cette expression, sans façon, quand on vous offre quelque chose, vous n'acceptez pas, vous ne voulez pas. Vous dites, je décline l'offre. Bah, je décline l'offre. C'est pas mon style, il est macho, il est con, je l'aime pas. Voilà, c'est tout. D'accord, c'est dit. Et maintenant, on arrête de juger. Il faut en finir avec le jugement de Dieu, du diable et du Saint-Esprit. Ah bon, du diable et du Saint-Esprit, mais lui, je pense que Quentin, c'est le diable. Ah bon? Ah oui, c'est vraiment le diable. C'est un très gentil garçon. Et en plus, aujourd'hui, on va célébrer son premier embauché. Bonjour. Mais vous trouvez embauché. Ça normal de... Donc il a été embauché, notre ami. Non, il joue le gentil, mais il n'est pas gentil du tout. Ah, mais moi, je joue le psychiatre. Et je suis psychiatre. Attends, commandant Jason, tu vas nous dire un truc? Vas-y, au micro, fais-nous un message à toute l'humanité, là, on t'écoute. T'es à la micro 4, prends le 4. Laisse. Qu'il prenne les 4, là, vas-y. Et puis après, Pedro, tu peux nous faire ta chronique astrosophique. Vas-y. Il y a quelques heures, je me sentais pas bien. Ouais. J'étais figé. Tu t'es figé? Je perdais la vue. Ouais. Et... Quand, ça? Il y a... Quand on est sorti du cinéma, tu te souviens? Oui. J'étais pas bien à ce moment-là. Mais ça s'est passé. Hein? Et maintenant? Ça continue. Je me sens un peu crispé. Il y a que la musique qui te sort un peu, là? Oui. Tu veux qu'on te mette un peu de musique? Non, ça va aller. Bon, en tout cas, tu peux nous rappeler aussi. C'était bien que tu nous appelais l'autre fois de ta clinique, là. Oui. C'est génial. Oui. Demain, tu vas nous faire un reportage sur le match pour la première prochain. Oui. Tu es sur la Ligue des Champions. Ouais. Oui, mais je peux pas le voir. C'est sur une chaîne payante. Beansport. Ouais, tu te débrouilles. Tu fais ce football total. Il y a des chaînes que tu peux voir. Donc, vive Manchester City. Qui ont gagné 3-0 contre le Bayern. Bah, bien fait pour eux parce qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain. Ouais. Pas battre le Paris Saint-Germain. Moi, je suis pas trop foot. On parle de foot. Vas-y, Pedro, tu as 2 minutes. Donc, c'est un peu ce que je disais. Donc, le printemps est là. Et comme le printemps est là, tout bourgeonne, tout fleurit. Les envies reviennent. Moi, j'ai pas d'envie aujourd'hui. Et la peur aussi. La peur de quoi? C'est-à-dire que dès qu'il y a une possibilité d'ouverture, on se dit, mais il faut trop clair. Il fait trop ouvert. Je m'enferme. Vous savez que pendant la période de printemps, c'est une période étrangement propice à l'enfermement des personnes chez elles. Ah bon? Parce que le monde les invite. Le monde dit, venez prendre un peu de soleil, venez vous promener dans les parcs, venez vous regarder les fleurs. Et les gens disent, j'ai peur. J'ai peur, c'est ça? Ouais. Et du coup, c'est une période propice aux dépressions paradoxales. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les beaux jours amène les pensées sombres. Parce que les gens se disent, mais je ne me sens pas capable de profiter du soleil, de l'amitié, des rencontres. Parce que c'est la meilleure période pour rencontrer des gens. Parce que ça dépend de l'amitié. Si c'est quand, des gens faux cul, ce n'est pas la peine. Bah non, bah c'est pas la peine. Hein. Le faux cul, ce n'est pas la peine. Mais il y a le vrai cul. Et le vrai cul, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le vrai cul vous intéresse? Ça dépend. Voilà la question. Donc on peut rester sur cette question. Vous savez, le faux cul, c'est même pas la peine de le juger. On abandonne, on laisse tomber. Vous voyez, on suit notre chemin. Parce que si on s'intéresse aux misères des uns et des autres, on devra devenir des gens tristes. Et vous ressemblez à tout, à plein de choses en tout cas, mais pas à une personne triste. Vous ressemblez qu'à une personne qui veut créer, qui veut de l'amitié, qui veut rigoler, qui veut inventer. Ah oui, mais il faut. Là, on essaie d'être amis avec plein de gens, mais les gens te rejettent. On se sent rejeté. Non. Tous les gens ne vous rejettent pas, et on peut se faire une petite sélection des gens qui ne nous rejettent pas. Et quand on ne nous rejette pas, on prend. Si les gens nous rejettent, on les ignore. Et vous, quand on parle des gens de notre il y a des gens qui sont différents de plein de gens. Et ils te bloquent sur Facebook ou ils te rejettent parce que tu es comme ça. Et vous êtes malheureuse. Voilà. Prends le micro, prends le micro. Voilà. En fait, le. Mais ouais, non, mais là, c'est bien, c'est bien. Et en fait, il y en a qui ont disparu, en fait, en Inde. Il y en a qui ont disparu des peintures à moi, quoi. C'est bon signe. Attendez, je vais vous montrer. Il faut. Ouais. Micro. En Inde, non. Prends le micro, là, parce que sinon, il faut les mettre un micro. Voilà. En Inde, non, ici seulement. Tu peux décrire tes dessins? Non, je ne sais pas ce que j'ai voulu. Parce qu'à la radio, ça ne passe pas l'image, tu vois. Ouais. Comment on peut faire? Et ton nom de peintre, c'est quoi? Gandhar? Gandias. Vous faites le jeune, habillé comme ça. Vous êtes, jeune. Pareil. On a encore une minute. Voilà, message pour l'humanité. Vincent, prends le message. Ils sont trop grands, mes dessins pour, voilà. Pour que je. Fais-nous un petit jeu de mots, là. Une minute pour finir. Vas-y, prends ça. Oui. Vincent Blague. Il faudra changer de blase, en tout cas. Hein. Vas-y. Vas-y, Vincent, on a une minute pour finir. Vincent, on a une minute pour finir. Bon, voilà, en fait, je me considère pas comme un artiste peintre, mais j'ai fait des peintures, en fait. Et puis voilà, on m'a dit qu'elle valait. On m'a dit de les vendre, j'en ai vendu 10, non 14, et j'en ai vendu à 10 euros, 14 quoi. Plus une, 2 euros, mais c'était un dessin, un gribouillis en fait quoi. Donc en fait, voilà, c'est ça quoi. Et donc en fait, on m'a dit qu'il valait cher. Je commence à en prendre conscience parce que là où je faisais mes photographies en Inde, à Pondichéry, il y a eu une galerie d'art qui a été ouverte juste à côté, en fait. Donc j'ai pris plein de contacts là-bas, en fait, quoi. Mais c'est bien, ça. Vous vous souvenez, non? C'est bien, ça. Et après, j'ai mis toutes mes peintures au photographe, à mon responsable, et les peintures ont disparu. Alors, il m'a dit oui, je les ai, mais voilà. Alors ce week-end, là, j'ai lu tout un truc sur... Catherine Clément qui a écrit tout un truc sur Auroville et sur la mer. Alors, la mer, la femme de Sri Aurobindo, vous savez, c'est une Française qui s'appelait Rachel, qui est arrivée... En fait, elle était réfugiée... d'Alexandrie. Oui. Elle, à l'âge de 12 ans, elle a été hospitalisée à l'hôpital Sainte-Anne. Ah. Le professeur Jamais, il a fait une immense observation que Catherine Clément a retrouvée à Tel Aviv chez un de ses neveux parce qu'elle avait décidé à l'âge de 12 ans qu'elle était une grande mystique et qu'elle a été une envoyée de Dieu. Donc elle a dit, moi je suis une envoyée de Dieu, j'ai rien à faire en psychiatrie. Et donc je vais créer mon propre ashram et faire reconnaître ma divinité au monde entier. Donc elle est allée en Inde, elle a fait un voyage pas trop logique en Inde, et là elle est arrivée, elle s'est branchée avec Sri Aurobindo qui sortait de prison parce que c'est un opposant politique sur lequel on comptait pour l'indépendance de l'Inde, et en fait elle l'a un peu accaparé, voilà. Donc les Indiens lui en veulent un peu parce qu'ils trouvaient que c'était un peu une secte et qu'elle avait accaparé un grand intellectuel bengali qui devait mener la révolution avec Gandhi, etc. Et après, elle a carrément fait cet ashram qui s'appelle Auroville. Voilà, et donc c'était donc une patiente en fait de l'hôpital Sainte-Anne du docteur Jamais, et Catherine Clément, elle a retrouvé ça, et Jamais, il a jamais dit, ou Jamais, il a jamais dit, c'est pas Jamais, c'est Jamais, il a jamais dit, C'est une folle, il a dit, voilà, c'est quelqu'un un peu comme Madeleine. Il y a un autre bouquin qui s'appelle La folle et le saint, écrit par Catherine Clément et Sudhir Kakar, un psychanalyste indien, où en fait, il montre comment Ramakrishna, en fait, en Inde, devient un saint, alors que Madeleine, avec ses extases à l'hôpital Sainte-Anne, reste une simple patiente. Voilà. Et en fait, elle a réalisé le fantasme de Jeannet qui disait, en fait, si cette patiente, elle allait dans un pays où, en fait, on considère sa divinité comme, non pas comme une folie, mais comme une divinité, elle risque de... Vous vous rendez compte de cette histoire un peu ? Elle s'appelle Rachel, donc elle a réussi un peu à mélanger un peu tout, le Talmud et tout. Elle était d'origine juive, mais elle n'avait pas étudié la Torah, etc. Mais elle a réussi à retrouver au travers de son ashram et de Auroville, du coup, qu'elle a fondé avec Sri Aurobindo, sa divinité intérieure, qui était considérée comme un délire en 1920, je crois, Jeannet. Eh ben moi, c'est bien parce que là, je suis en train de sentir de ça, en fait. Quoi. Ouais. Ouais, bah, en Inde, donc sa famille, qui la considérait un peu comme une folle, il disait, bah, en fait, elle a abandonné ses deux enfants quand même. Et du coup, c'est son mari qui s'en est occupé, qui était un violoniste. Et du coup, elle a, comment dirais-je, voilà, elle a fait toute une enquête. Et je vous conseille de lire ce livre de Catherine Clément. Voilà, voilà. Il est déjà écrit et il est très très beau. Et Catherine Clément, c'est une belle personne. Bon, merci les métanoïaques. À mercredi prochain. La dame de l'Eurovision, vous trouvez que c'est une bonne personne ? Non, Catherine Clément. Ah, c'est l'écrivain. Voilà. Tu as une permission ?